بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui notre cours numéro 37 dans l'explication du livre de Cheikh Al-Imam Sabouni rahimahullah, Aqidatul Salaf wa Ashab Al-Hadith, et avec le charh de Cheikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah. On est arrivé aujourd'hui dans un nouveau chapitre dans le livre qui s'intitule « Al-Ba'thu Ba'd al-Maut », c'est-à-dire la résurrection après la mort. Et c'est un des points qui fait partie de la croyance en islam et de la foi. Et ça a rapport avec la foi en le jour dernier. Et donc c'est un élément extrêmement important dans la croyance islamique, parce que ça fait partie des piliers de la foi. Et donc on va expliquer qu'est-ce que le cheikh il a mentionné à ce sujet-là, et puis lire les explications au fur et à mesure. Donc le cheikh, l'imam al-Sabouni, il dit « Yu'minu ahlu al-dini wa sunna bil-ba'thi ba'd al-maut yawm al-qiyama wa bi kulli ma akhbar Allah subhanahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min ahwali thalika al-yawm al-haq wa akhtilafu ahwali al-ibadi fihi wal-khalq فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل وسائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. Donc il dit, les gens de la religion et de la sunna, ils croient en la résurrection après la mort, au jour de la résurrection, et en tout ce que Allah a mentionné comme information, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, au sujet des événements effrayants de ce jour de vérité. Et les différentes situations et les différents états des serviteurs dans ce jour, ainsi que la création, et ce qu'ils vont voir et ce qu'ils vont subir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ce qu'ils vont subir dans ce jour effrayant, hein, de recevoir leur livre, soit de la main gauche ou de la main droite, de répondre à des questions qu'on leur posera, et des tremblements et également des difficultés, des épreuves de ce jour qui est promis, qui est un grand jour, un jour très effrayant. Et ils devront également traverser le pont qui sera sur l'enfer et être passer par la balance dans laquelle on mesure le poids de leurs œuvres, ainsi que les livres, hein, de leurs œuvres et de leurs actions qui sont pesés aussi dans ces balances-là, où il y a même la mention des actions ou des choses que tu as faites, que ce soit du bien ou du mal, même si c'est juste un atome, hein, de bien ou de mal, il est calculé, il est mentionné dans ce livre. Donc c'est un jour effrayant, ce jour-là. Et c'est un jour comme il n'y en a pas d'autre. Et Cheikh Rabi', il clarifie, il mentionne des points à ce sujet-là. Il dit « Yadhkur al-mu'allif huna min al-aqaidi al-iman bil-ba'thi ba'd al-maut. Wa tarahu huna ghayyara al-ibara min qawlihi yu'minu ahlu al-hadith ila qawlihi yu'minu ahlu al-dini wa sunnati bil-ba'thi ba'd al-maut. » لأنه حتى اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث وضلال المسلمين كذلك يؤمنون بالبعث ولكن يخالفون في قضايا مما يتعلق فيما بعد البعث وما قبله. Donc il dit le cheikh que l'auteur du livre, il mentionne ici les questions qui ont rapport avec la croyance et la foi en la résurrection après la mort. C'est-à-dire que la mort, lorsqu'on meurt, on est enterré dans la terre, Beaucoup de gens parmi les koufars, les gens qui ne croient pas en la foi, qui ne croient pas en Allah, ils s'imaginent que ça c'est la fin de tout. Et qu'une fois que tu meurs, c'est fini. Il n'y a plus rien, c'est le vide, c'est le néant. Or, ce n'est pas vrai. Après la mort, il y a une autre vie qui nous attend. Hein? Il y a un autre monde qui nous attend. Il y a également une résurrection qui nous attend. Et la résurrection, c'est-à-dire que notre corps qui va être créé et notre âme qui va être remise dans ce corps pour se tenir devant Allah pour répondre hein, au jugement pour tout ce qu'on a fait, pour tout ce qu'on a dit. Et donc, l'auteur du livre, l'imam As-Sabouni, d'habitude, dans les autres chapitres qu'on a vus jusqu'à date, à chaque fois, il mentionnait que les gens du hadith hein, et les salafs croient en, et il mentionnait l'élément, soit en les attributs, ou soit en le fait que Allah est élevé sur son trône, et ainsi de suite. Toutefois, ici, il a changé l'expression qu'il a employée, et il a dit les gens de la religion, hein, Ahluddin wa Sunna, les gens de la religion et de la Sunna, croient en la résurrection après la mort. Et pourquoi il a changé cette expression-là pour ce chapitre? Parce que les juifs et les chrétiens, eux aussi, croient en la résurrection. C'est-à-dire qu'ils croient qu'il y a, après la mort, une résurrection et un jugement. Parce que ça fait partie de l'enseignement de tous les prophètes que Allah Azza wa Jalla a envoyé à l'humanité. Même les prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont tous enseigné cette croyance-là. Et il dit même des groupes égarés parmi les musulmans et des différentes sectes qui ont dévié de la vraie croyance islamique, ils reconnaissent eux aussi la foi en la résurrection au jour du jugement dernier. Mais il y a parfois certaines choses sur lesquelles ils divergent. Hein? Ces groupes déviés parmi les sectes qui sont musulmanes ou qui se disent musulmanes, eh bien, il y en a parmi elles qui ont divergé sur certaines questions qui ont rapport avec la résurrection. Et il y en a, par exemple, qui renient certains éléments de la foi en la résurrection et des choses qui ont été mentionnées dans des narrations, dans des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ces sujets-là. Donc, eux, ils renient ces questions-là, comme par exemple les Mu'tazila. Beaucoup de Mu'tazila rejettent des éléments de la foi et des choses qui ont rapport avec la foi en la résurrection et le jour dernier. Et la raison pour laquelle ils rejettent ces éléments-là, c'est parce qu'ils prétendent se baser sur ce qu'ils appellent la logique et la raison. Et par conséquent, qu'est-ce que j'ai constaté dans ce que j'ai lu à leur sujet jusqu'à date? Souvent, c'est parce qu'ils font des analogies entre ce bas monde et l'au-delà. Dans le sens qu'ils essaient de juger l'au-delà par les mêmes règles que par ce qui s'applique dans ce bas monde. Et c'est vraiment pas quelque chose qui est logique de leur part de faire ça. Pourquoi? Parce que les règles de ce bas monde s'appliquent uniquement à ce bas monde et les règles de l'au-delà et les choses qui ont rapport avec la vie après la mort, c'est une autre dimension, une autre réalité qu'on ne peut pas comprendre ou qu'on ne peut pas comparer. Et par conséquent, à cause de ça, ils font beaucoup d'erreurs dans la croyance à cause de cette raison-là. Par exemple, de nier le châtiment de la tombe ou de nier, par exemple, la balance qui pèse les œuvres au jour de la résurrection sous prétexte que ce n'est pas possible de peser des actions. Hein? Ils disent des actions, ça ne se pèse pas parce que ça n'a pas un poids, ça n'a pas une masse, hein, soi-disant. Donc, ça, c'est des exemples d'arguments, de raisonnements qu'ils ramènent pour rejeter les paroles qui ont été rapportées authentiquement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ces questions-là. Et ça prouve en réalité que ces gens-là qui prétendent à la logique, ils n'ont pas beaucoup de logique en réalité, puisque s'ils étaient vraiment intelligents, eh bien, ils ne feraient pas des comparaisons entre des choses qui ne sont pas comparables. Ala kulli hal, on va lire la suite de qu'est-ce que le cheikh il explique. Il dit فالإيمان بالبعث وردت فيه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. يخبر الله تبارك وتعالى فيها عن إحياء الناس بعد موتهم وبعثهم من القبور ليجازيهم على ما قدموا في هذه الحياة، لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق الناس عبثا ولا تركهم هملا وسدا، وإنما خلقهم لحكم عظيمة، منها أن يعبدوه، ومنها أن يبعثهم لإقامة العدل فيما بينهم وتقرير مصير من يستحق الجنة ومن يستحق النار، ومن يدخل النار خالدا فيها مخلدا أبدا، ومن يخرج منها بما عنده من التوحيد. Donc ici le cheikh il dit la foi en la résurrection a été mentionnée dans plusieurs versets et dans de nombreux hadiths. Allah Azza wa Jal il nous informe dans ces versets dans ces hadiths qu'il y a une résurrection des hommes, c'est-à-dire il va faire revivre les hommes après leur mort et ils vont être ressuscités de leur tombe, c'est-à-dire que les gens qui se sont décomposés avec la terre, hein, avec les années, et que leur chair a été dévorée par les vers, et que leur corps est devenu la terre, et leurs ossements se sont décomposés en poussière, eh bien Allah Azza wa Jal va les recréer encore, et il va remettre leur âme à l'intérieur de ce corps-là, et ils vont être ressuscités. Ils vont être ressuscités, et Allah Azza wa Jal va les recréer de la même façon qu'il les a fait la première fois. Et donc, il va faire ça pourquoi ? Pourquoi les faire revivre ? Il va les faire revivre pour rétribuer chacun selon ce qu'ils avaient accompli dans cette vie, dans ce bas monde. C'est-à-dire pour établir la justice entre les hommes. Parce que Allah Azza wa Jal, il n'a pas créé les hommes sans sagesse, pour rien. Il n'a pas créé les hommes pour rien ou juste pour divertissement ou sans qu'il y ait une sagesse derrière ou une responsabilité ou des obligations à respecter et des règles à suivre. Parce que Allah Azza wa Jal, il ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. C'est pas comme par exemple des êtres humains, parfois tu les vois, ils font des choses et tu leur demandes pourquoi tu fais ça. Il dit, je sais pas, j'avais juste envie de faire ça comme ça pour m'amuser, hein, pour le fun, comme on dit, pour le plaisir. Ça, c'est les êtres humains qui agissent de façon insensée. Hein. On dit d'une personne qui agit comme ça, cette personne-là, elle est stupide ou elle est folle. Hein. Même une personne qui fait comme ça des choses bizarres, hein, tu le vois agir étrangement dans la rue, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle a cette personne-là? Elle est folle ou quoi, hein? Pourquoi? Parce que comment tu peux distinguer le comportement d'une personne folle et d'une personne qui ne l'est pas? Comment tu peux distinguer le comportement d'une personne qui est sensée et d'une personne qui est insensée? Parce qu'elle a une façon d'agir qui est bizarre. Hein? Allah Azza wa Jal, il ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait, il y a une sagesse immense derrière. Et il n'y a rien qui se produit dans l'univers sans que ce soit pour une grande sagesse. Mais parfois, on arrive à saisir cette sagesse-là. Parfois, cette sagesse, elle nous dépasse à cause de notre limite dans notre compréhension et dans notre connaissance. Hein? Quand tu es limité dans ta connaissance et dans ton intelligence et dans ta compréhension, eh bien, tu peux comprendre des choses, mais arriver à un certain degré ou arriver à un certain niveau, tu suis plus. Tu ne peux plus comprendre par la suite, parce que l'être humain il est limité, hein? Et Allah Azza wa Jal il nous a mentionné wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, on ne vous a donné de la science que très peu, d'accord? Donc le cheikh il explique ensuite, il dit il nous a créé donc pour des grandes sagesses. Parmi ces sagesses, c'est-à-dire parmi les raisons pour lesquelles il nous a créés, premièrement pour qu'on l'adore, parce qu'on a besoin de cette adoration-là pour nous-mêmes. Deuxièmement, il nous a créés pour nous ressusciter à la fin dans le but d'établir la justice entre les hommes. Parce que Allah Azza wa Jal, il n'aime pas l'injustice. Allah Azza wa Jal, il n'accepte pas l'injustice. Il s'est interdit l'injustice à lui-même et il l'a interdit entre les hommes. Et donc, il n'y a pas un atome d'injustice qui va passer. Même dans le Coran, Allah dit Inna Allaha la yazlimu mithqala dharra. Mithqala dharra. Ça veut dire quoi, mithqal? Al mithqal, c'est une mesure, un poids. Dharra, c'est un atome, quelque chose d'extrêmement petit. Hein? Une particule infiniment petite, on l'appelle dharra. La plus petite particule que tu peux voir, ou que tu peux même pas voir, tellement elle est petite. Dharra. Hein? Mithqala dharratin. Et dharra, quand c'est petit, yani, Allah il a dit, il ne fait même pas une dharra d'injustice. Oui, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Ça veut dire, celui qui fait le poids d'un atome de bien, yara, il va le voir. Et celui qui fait un atome de mal, il va le voir. Naam. Donc, Allah ne fait pas l'injustice, même pas d'un atome. Il n'accepte pas l'injustice. Et en plus, tellement il est juste que toutes les injustices qui ont eu lieu sur terre entre les hommes, eh bien Allah Azza wa Jal va établir la justice, la vraie justice, au jour de la résurrection. Même les tribunaux, les procès qui ont eu lieu devant des êtres humains, dans des tribunaux, devant des juges, et que le juge, il a jugé selon la vérité ou selon le faux, mais qu'il n'y a pas eu une justice qui a été établie, soit par ignorance, ou soit par incapacité, ou soit par injustice, ou par corruption, eh bien, Allah Azza wa Jal va refaire ses tribunaux au jour de la résurrection, encore une fois. C'est-à-dire, le tribunal va être refait à zéro. Même entre les animaux. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, même l'animal qui s'est fait casser une corne, ou qui s'est fait briser une de ses cornes par un autre animal, eh bien ça va être jugé entre les animaux, entre eux aussi. Donc il y aura une justice parfaite, complète, qui va être établie ce jour-là, le jour de la résurrection. Même les gens qui aujourd'hui sont très puissants, très riches, très forts, et qui sont presque intouchables parfois par la justice humaine, même eux vont devoir être jugés et vont devoir répondre de leurs injustices. Donc, on ne doit pas s'inquiéter pour cette question de l'injustice. Allah Azza wa Jal, il va s'en occuper. Si elle peut être appliquée, la justice sur terre, elle va être appliquée par la permission d'Allah. Et sinon, Allah Azza wa Jal, il va pas laisser un atome d'injustice passer. Ça, il faut être convaincu de ça. Donc ça fait partie des sagesses pour lesquelles il y a une résurrection. Hein? Et pourquoi Allah Azza wa Jal, il a créé la création. Et aussi pour déterminer celui qui mérite le paradis de celui qui mérite l'enfer. Hein? Parce que Allah Azza wa Jal, en même temps aussi, il établit la preuve sur ses créatures. Allah Azza wa Jal, il sait déjà qui va au paradis. Il sait déjà qui va en enfer. Et c'est pas pour lui-même qu'il a besoin de faire ce test pour savoir ça. Il le sait déjà. Il le fait ce test pour établir la preuve sur nous-mêmes. pour que chacun voit de lui-même qu'est-ce qu'il fait. Et lorsqu'il arrive au jugement dernier, on lui remet son livre, il voit ses œuvres, il ne peut pas renier quoi que ce soit de ce qui lui revient. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? C'est avec sa bouche qu'il l'a dit. C'est avec ses mains qu'il l'a fait. Il ne peut pas blâmer quelqu'un d'autre. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc ça, c'est quelque chose de très très important de savoir, vraiment d'établir, à savoir les gens qui méritent le paradis, les gens qui méritent l'enfer. Et qui va rentrer au paradis pour y demeurer éternellement? Et qui va rentrer au paradis? Qui va rentrer en enfer? Et pour le fait de, pour la question de l'enfer, il mentionne le cheikh ici, ceux qui rentrent en enfer pour y demeurer éternellement, comme les mouchriquins et les kuffar, et ceux qui rentrent en enfer parmi les musulmans, parmi les croyants, parce qu'ils ont commis certains péchés, mais qui vont en sortir après un certain temps à cause de leur tawhid. C'est-à-dire, eux, ils ne vont pas y être éternellement parce qu'ils avaient la base de la foi. Mais à cause de leur péché, ils doivent être purifiés pour un certain temps dans l'enfer. Éventuellement, ils vont en sortir. Donc, il y a la différence entre ces différentes catégories. Après, le cheikh, il a énuméré plusieurs versets qui mentionnent la foi en la résurrection. On va les lire. Le cheikh, il dit, « Allah tabaraka wa ta'ala yaqul » القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة هي القيامة التي يبعث الله فيها الناس. القارعة ما القارعة؟ تهويل لأمرها، يعني أمر عظيم. وما أدراك ما القارعة؟ ثم قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يتصور ضعاف الناس وخوفهم ولا وهلعهم ويذهبون شتى لا يلتفت الأب إلى ابنه ولا الابن إلى أبيه ولا يلتفت إلى عشيرته بل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يوم رهيب يوم عظيم حتى إن الأنبياء يقولون فيه من شدة هوله نفسي نفسي وأولو العزم كل واحد منهم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. يوم رهيب لا شك كما ذكر المؤلف. Le cheikh, il mentionne la surat Al-Qari'ah. Hein? Et c'est parmi les surates qui sont parmi les courtes surates, hein, dans le dernier juz du Coran, dans lesquelles il y a plusieurs versets qui mentionnent justement la foi en la résurrection. Et il dit, on a récité la sourate en arabe, on va lire la signification de ces versets. Allah Azza wa Jal, il dit dans cette sourate ce qui signifie Al-Qari'ah, il dit le fracas. Et qu'est-ce qui te dit, et qu'est-ce que le fracas? Donc Allah Azza wa Jal, il pose la question, qu'est-ce que le fracas? Et ensuite, il dit encore une fois, et qui te dira ce qu'est le fracas? Et le cheikh, il explique, il dit, pourquoi Allah Azza wa Jal, il mentionne ça de cette façon-là? C'est pour que tu comprennes à quel point la question est grave. Et pour que tu comprennes à quel point cette qari'a, cette résurrection, ce jour-là est un jour épouvantable, un jour effrayant. Et il dit ensuite, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Chacun s'en va dans une direction différente. Personne ne s'occupe de l'autre. Hein? Le cheikh, il dit, le fils, le père, il ne regarde pas le fils. Hein? Et yani, chacun, il ne regarde pas sa famille. Chacun s'en va dans une autre direction sans s'occuper des autres. Chacun pour soi ce jour-là. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن المنفوش dit les montagnes sont comme de la laine cardée. Il dit donc celui, quant à celui dont la balance sera lourde en bonnes œuvres, il a beaucoup de bonnes œuvres, donc sa balance est lourde sur le côté des bonnes œuvres, ça pèse lourd. Il sera dans une vie agréable au paradis. Et quant à celui dont la balance sera légère en bonnes œuvres, c'est-à-dire que ses bonnes œuvres sont peu et ses mauvaises actions sont plus lourdes, eh bien, quant à celui-là, sa destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? Hein? C'est un feu ardent. Donc, ça, c'est la menace de la du jour de la résurrection et de ce qui nous attend, hein, ce jour-là. Ensuite, le cheikh, il a cité le fait que, justement, c'est un jour effrayant. Les créatures, elles sortent de la terre. Elles sont nues. Hein? Personne n'a de vêtements. Les gens, ils sont effrayés, ils ont peur. Et chacun s'en va d'un côté différent. Chacun, yani, ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Imagine, tu viens de te réveiller, tu viens de revenir à la mort. Comment tu te sens? Tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et tu vois plein de gens autour de toi, mais chacun s'en va dans une direction différente. Hein? Comment tu vas être? Subhanallah. Incirconcis, ça veut dire si tu avais été circoncis ce jour-là, la circoncision, que la peau qu'on t'a coupée, elle revient. Elle est revenue comme quand tu étais bébé. Subhanallah. Et imagine, tu sais, des fois tu vois l'idée comme par exemple, tu vas dans un événement ou dans quelque part où il y a plein de gens, des milliers de personnes. Hein? Et si tu es un enfant dans la foule avec tes parents, imagine quand tu perds tes parents. Comment tu te sens? Tu vois autour de toi plein de gens, t'es perdu, tu sais pas où, hein, où tu es. Ça c'est un exemple dans la dunya. Comment quelqu'un peut se sentir dans cette situation-là? Imagine ce jour-là. C'est pas seulement 1 million de personnes, 2 millions de personnes. Regarde au Hajj, 3 millions des fois, 4 millions de personnes par année, en même temps à la même place. Des fois, il y a des bousculades, les gens ils se bousculent les uns sur les autres. Il y a des gens qui meurent à cause de la pression, hein? Tellement c'est fort. Là, ce n'est pas des millions, c'est des milliards d'êtres humains. Depuis Adam, alayhi salam, avec tous les êtres humains qui ont vécu sur Terre, jusqu'au dernier des hommes qui va vivre. On est maintenant sur Terre en plus que 7 milliards de personnes sur la Terre en ce moment. Donc imagine combien d'êtres humains qui vont être réunis ce jour-là. D'accord? Et donc ça, c'est pas n'importe quoi. Hein? Et tout le monde est ensemble, réuni sur un endroit. Et personne ne reconnaît la place parce que ce n'est pas des endroits familiers. La terre est devenue plate. Il n'y a plus de montagnes. Il n'y a plus rien. Hein? Aucun repère. Tu peux pas, tu sais même pas où tu es. Et le fils et le père, ils s'oublient. Chacun, il va dans sa direction. Et il mentionne le verset dans Sourate Al-Ma'arij. Et vraiment, ce verset-là, il est effrayant aussi. Quand tu lis ça, là, tu vois à quel point la situation est grave. comment les gens, mais c'est là, c'est le désespoir qui fait que les gens arrivent dans cet état-là, hein, comme Allah Azza wa Jal, il dit, yani le criminel, hein, le criminel, ce jour-là, il aimerait pouvoir racheter, ça c'est le verset, les versets 11 à 14 dans Surat Al-Ma'arij. Allah Azza wa Jal, il dit dans ces versets-là ce qui signifie, yani, le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour-là en livrant même ses enfants, sa compagne, c'est-à-dire sa femme, son frère, et même son clan, c'est-à-dire toute sa famille, sa tribu, hein? Et même son clan qui lui donnait asile, c'est-à-dire qui l'accueillait, qui le protégeait. Et tout sur terre, tout ce qui est sur terre, il le donnerait en échange, pour si ça pouvait le sauver. Subhanallah. Mais rien ne le sauvera. Donc, t'imagines, tu arrives ce jour-là, hein? Des fois, aujourd'hui, par exemple, s'il y a quelque chose, supposons qu'il y avait quelque chose aujourd'hui, une détresse, une situation de détresse, on dit, par exemple, bon, ça y est, tout le monde, dans telle région du monde, ils vont tous mourir parce qu'il y a, un astéroïde ou quelque chose qui va frapper la Terre. Ou il y a un missile qui vient, là, qui va tomber. Hein? Missile nucléaire qui va tomber à cause de la guerre, je ne sais pas quoi. Là, il y a juste 1000 personnes qui peuvent être sauvées, hein, de la mort. Il y a des endroits qui ont été préparés pour amener des gens pour qu'ils puissent rester après. Donc, qu'est-ce que tu ferais, toi, pour être sauvé? Il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à tout. Et dans ce bas monde, tu peux peut-être acheter ta place avec de l'argent. Tu vas aller voir les gens qui sont responsables, ou je ne sais pas quoi, ceux qui ont le pouvoir ou le contrôle. Tu leur dis, écoute, moi, j'ai telle somme d'argent. Hein? Je te le donne. Si tu me donnes la possibilité de faire partie de ces 1000 personnes-là. Hein? Les riches, eux, ils peuvent acheter leur place, ils vont payer. Il y en a peut-être, ils vont même vendre leurs femmes, leurs enfants, parce qu'ils sont, hein, ils ont rien d'autre à vendre. Allah Moustahan. Ils vont même vendre leur propre sang pour être sauvés. Mais ça, c'est dans la dunya. Mais au jour de la résurrection, il n'y a pas d'autre possibilité comme ça. Tu ne peux pas acheter ta place avec de l'argent. Tu ne peux pas acheter ta place avec en vendant quelqu'un. Même si tu avais l'or, tout l'or qui est sur terre, ça t'appartient. Et tu dis à Allah, oh Allah, je te donne tout l'or sur terre, hein, que je possède pour être sauvé de ce châtiment-là. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé l'or. Il n'en a pas besoin de ton or. Hein? Et il ne va pas l'accepter. Et tu ne peux pas marchander, tu ne peux pas faire un pot de vin aux anges. Hein? Tu dis aux anges, je te donne quelque chose, tu me laisses sortir. Hein? Tu me mets pas dans l'enfer. Les anges, ils obéissent que à Allah. Ils n'écoutent que à Allah. Tu ne peux pas t'échapper. Hein? Il n'y a pas un endroit où tu peux aller te cacher quelque part, où on ne va pas te voir, où on ne va pas te trouver. Peu importe où tu vas, Allah, il sait où tu es. Même si tu vas dans une autre galaxie, Allah, c'est lui qui a créé cette galaxie, il sait tout ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'endroit pour fuir. Hein? C'est pour ça qu'il dit, c'est un jour terrible, c'est un jour effrayant. Il dit, ce jour-là, même les prophètes, hein, à cause de la peur ce jour-là et la terreur de ce jour, chacun il dit nafsi, nafsi, nafsi, mon âme, mon âme, mon âme. Chacun il pense à lui-même. Hein, nafsi, nafsi, ma personne, mon âme. Et même les grands prophètes, les grands messagers ce jour-là, ils diront, notre Seigneur aujourd'hui, il s'est mis en colère, une colère qu'il n'a jamais eue avant. Hein, il n'a jamais eu une colère comme celle-là avant. Et il n'aura jamais d'autre colère comme celle-là après. Et donc ça, c'est un jour où il n'y a pas de doute, comme l'auteur, il le dit, le cheikh, il dit, l'auteur a dit ça, que c'est un jour effrayant. Effectivement, c'est un jour effrayant. Il dit, يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةً خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّةٌ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّةٌ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّةً وكنتم أزواجا ثلاثة ثم ذكر أصحاب اليمين وذكر السابقين وذكر أصحاب الشمال والعياذ بالله فقوله إذا وقعت الواقعة يعني يوم القيامة يوم يبعث الله الناس ثم قال ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا اضطربت الأرض تضطرب السماء وتضطرب السماء يوم تمور السماء مورا يعني أهوال فيها ذرع وفيها خوف وفيها أهوال كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Donc le cheikh il explique ensuite d'autres versets qui parlent du jour de la résurrection dans sourate Al-Waqi'a. Et il mentionne donc ces versets-là. On va lire la signification de ces versets ensemble. Allah Azza wa Jalla il dit ce qui signifie « Quand l'événement arrivera ». L'événement, c'est quoi? C'est le jugement dernier. « Laysa li waqa'atiha kadhiba » Nul ne traitera sa venue de mensonge. Hein? Parce qu'une fois que c'est arrivé, ça y est. Personne ne peut nier ça, puisqu'il le voit. Il abaissera les uns, élèvera les autres. Il abaissera les uns, élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussière éparpillée, vous serez alors trois catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Et As-Sabiqoun, les premiers à suivre les ordres d'Allah sur terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins de délices. Et puis après, il parle également des gens de la gauche. Wal'iyadhu billah. Qui sont les gens de l'enfer. Il mentionne aussi le verset dans Sourate At-Tur. Wat-Tur. Et dans le verset qu'il a cité, c'est le verset 9. Yawma tamur as-sama'u mawra. C'est-à-dire le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement. Hein? Il y a beaucoup de versets comme ça, même tu regardes. Dans Sourate dans Juz Amma, il y a beaucoup de versets comme ça dans lesquels Allah Azza wa Jal il décrit le jour de la résurrection et qu'est-ce qui arrive aux astres, qu'est-ce qui arrive au ciel, qu'est-ce qui arrive dans la création ce jour-là, comme At-Takwir, Allah Azza wa Jal il dit إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ quand le ciel wa alaykum salam wa rahmatullah. Quand le soleil sera obscurci. وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ et que les étoiles deviendront ternes. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ et que les montagnes mises en marche. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ et les chamelles à terme négligées, et ainsi de suite. Plein d'exemples comme ça qu'on retrouve et qu'on voit par rapport aux événements du jour de la résurrection. Et donc il dit « إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ » c'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour que les hommes, le jour où les hommes seront ressuscités. « لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةً خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّةٌ » La terre, elle va être secouée. Les cieux vont être secoués. Et il dit « يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا » C'est ce que ça signifie aussi. Donc c'est un jour dans lequel il y a beaucoup de choses effrayantes. Et encore un autre verset qui mentionne ces choses-là aussi, le verset dans Sourate Al-Hajj. Dans l'introduction de cette sourate, il y a une description qui est faite de la résurrection qui est effrayante aussi. C'est lorsque Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie dans le verset 1 et 2 de Sourate Al-Hajj. Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Et toute femelle enceinte avortera ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne sont pas ivres. Mais le châtiment d'Allah est dur. Donc ça, c'est des descriptions de la situation et de l'état des gens au jour de la résurrection. Le Cheikh, il dit, « Ayatun kathiratun jiddan tatahaddathu anil ba'th وما فيه من أهوال وما فيه من أمور عظيمة تواتر ذكرها في القرآن والسنة ولهذا يقول المصنف ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم فكل ما ورد في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالبعث وما بعده يجب الإيمان به لأن الله أخبر بذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك ولا نكون مؤمنين إلا إذا آمنا بأخبار الله وصدقناها وآمنا بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناها قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال في وصف رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc le cheikh, il dit qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran qui parlent au sujet de la résurrection, dans lesquels il y a la mention des choses effrayantes qui vont arriver au jour de la résurrection et des choses grandes et graves. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le cheikh, il dit que toutes ces choses-là ont été mentionnées de façon, c'est-à-dire par un très grand nombre de personnes qui l'ont rapporté de façon authentique. Et donc, c'est mentionné dans le Coran. Et tout ce qui est mentionné dans le Coran, c'est mutawatir. Mutawatir, c'est-à-dire c'est, il n'y a pas de doute sur son authenticité parce qu'il y a un très grand nombre de personnes qui l'ont rapporté, on ne peut pas douter de ça. Et dans la sunna aussi, tout ce qui est rapporté au sujet de la résurrection, c'est mutawatir aussi. Donc il n'y a pas de doute sur l'authenticité de ces informations-là. Et c'est pour cette raison qu'il dit, l'auteur, que les gens de la religion et de la sunna croient en la résurrection après la mort, au jour de la résurrection, et en tout ce que Allah a mentionné comme information ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui est mentionné dans le Coran et dans la sunna en ce qui concerne la résurrection et qu'est-ce qu'il va y avoir après la mort, et ces choses-là, il est obligatoire pour le musulman d'y croire. On est obligé de croire en ça parce que Allah azza wa jal, il en a informé son messager. Il nous en a informé par l'intermédiaire de son messager. Et son messager, il nous en a donné également beaucoup d'informations sur ces événements-là. Donc, on ne peut pas être des vrais croyants, excepté si on croit en ce que Allah nous informe et qu'on y croit avec sincérité. Et également les informations que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis à ce sujet-là. On ne peut pas être croyant si on n'a pas cru en ce qu'il nous a dit à ce sujet-là. Et Allah Azza wa Jal, il mentionne dans le verset 87 dans Surat An-Nisa, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Et dans un autre verset aussi, il dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. C'est-à-dire, qui est plus véridique qu'Allah en parole? Personne. Personne n'est plus véridique qu'Allah en parole. Et à propos du messager, Allah Azza wa Jal, il décrit son messager en disant, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne parle pas avec sa passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. C'est seulement une révélation qui lui est révélée. Donc quand il parle, ce n'est pas sa passion qui parle. Ce n'est pas ses désirs qui parlent. Il parle seulement ce que selon Allah Azza wa Jal, lui a donné comme révélation. Il dit ensuite, قَالَ الْمُصَنِّفْ مِنْ أَهْوَالِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ أي التي أشرنا إليها في الآيات التي ذكرنا واختلاف أحوال العباد فيه والخلق ومنهم من هو في ظل عرش الله يوم القيامة لا يعني في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم من هو تحت حر الشمس وشدتها إذ تدنو الشمس في ذلك اليوم حتى لا يكون بينها وبين رؤوس الناس إلا مقدار ميل ويكون الناس في العرق كأنهم في وديان ومنهم من يكون العرق إلى ساقيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ويلحقهم من الأهوال والفزع والقلق ما يدفعهم إلى الرغبة في التخلص من هذا الموقف الرهيب ولو إلى النار والعياذ بالله فيذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله واختلاف أحوال العباد فيه والخلق. Donc ici, le cheikh, il explique, et on va terminer avec ça pour aujourd'hui, il explique que parmi les événements effrayants de ce jour de vérité, et parmi les exemples de ce qu'on a indiqué par les versets qu'on a cités préalablement dans le Coran, le cheikh, il a cité plusieurs versets sur le jour de la résurrection, et les différentes situations et les différents états des serviteurs et des créatures ce jour-là, il dit parce que parmi les hommes, au jour de la résurrection, il y en aura qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté son ombre. Et le cheikh, il explique que parmi les hommes, donc il y en a qui seront sous l'ombre d'Allah, l'ombre du trône, et d'autres qui seront sous la chaleur du soleil. Hein? Il y aura une chaleur intense du soleil, parce que le soleil ce jour-là sera très proche de la tête des hommes. Il dit, il n'y aura pas une séparation ou une grande distance entre les hommes et le soleil. Il dit, la distance qui les sépare, c'est miqdara milin. Miqdara mil, al-mil, c'est décrit de différentes façons. Les ulama, ils ont expliqué que c'est soit al-mil. Al-mil, c'est quoi? Vous connaissez le kohl, la poudre noire que les gens mettent dans les yeux. Ça fait partie de la sunna, hein, le mettre le kohl. Et la bouteille dans laquelle on met le kohl, souvent il y a un bâton qui va dedans. Ce bâton-là, quand on le met dans la poudre dans les yeux, avec ce bâton, ce bâton s'appelle al-mil. Et il y a des ulama qui ont dit qadra mil, que ça veut dire la distance de ce bâton-là. Ça veut dire le soleil, il est pratiquement au-dessus de nos têtes. D'autres ulama qui ont dit mil, peut-être que c'est al-mil dans une autre mesure de distance. Allahu alam. Ala kulli hal, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que ce jour-là, le soleil sera très proche. Et peut-être que des gens vont se poser la question, comment serait-ce possible que le soleil soit si proche de la tête des êtres humains? S'il serait si proche, non seulement on serait complètement brûlé, désintégré, mais on ne pourrait pas supporter. Mais ça, c'est une mauvaise façon de comprendre parce que, premièrement, ça, c'est le jour de la résurrection. C'est une autre réalité que la réalité qu'on connaît actuellement dans ce bas monde. Les savants aujourd'hui, ils disent, ou les scientifiques, ils disent que si le soleil se rapprochait juste de quelques une petite distance de la Terre, tout serait brûlé sur Terre. Hein? Mais au jour de la résurrection, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'au jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal, la façon qu'il va nous créer, notre corps va être capable de supporter cette intensité-là. Dans le sens qu'on va être capable d'être proche du soleil sans brûler complètement. Juste pour qu'on soit dans cet état-là. C'est-à-dire qu'on va avoir très, très, très chaud. Hein? Et il dit que les gens, ils vont commencer à transpirer ce jour-là. Certains, ils vont transpirer à un point que leur sueur, elle va arriver jusqu'à leurs jambes, à la mi-jambe comme ça. D'autres, leur sueur va arriver jusqu'à leurs genoux. D'autres, leur sueur vont arriver à leur taille. Et d'autres, ils vont être jusqu'à leur bouche. Yal-jamuhum. Yal-jamuhum al-araq. Yal-jamuhum, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça leur ferme la bouche, la sueur, elle arrive jusqu'à leur bouche. Ça veut dire, ils ne peuvent même pas parler. Même il y en a qui se noient dans leur sueur ce jour-là. Et ça, les ulama, ils ont dit, ça dépend de leur péché. C'est-à-dire que la sueur, elle va monter sur eux selon la quantité de leur péché. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit que ce jour-là, c'est un jour qui dure 50 000 ans. Hein? 50 000 ans, le jour de la résurrection. Ça, c'est pour les gens en général. Sauf pour les croyants, ça passe comme si c'était 5 minutes. Il y a un hadith qui mentionne que pour les croyants, le jour de la résurrection, ça passe comme si c'était 5 minutes. C'est pour ça que le hadith, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentionne qu'il y a 7 catégories de personnes qui vont être couvertes de l'ombre d'Allah, l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté son ombre. Il a mentionné parmi ces catégories-là le dirigeant qui est juste. Il a mentionné parmi ces catégories-là un jeune dont le cœur est un jeune qui grandit dans l'adoration, un homme qui son cœur est attaché à la mosquée. Aussi, il y a plusieurs différentes catégories. Un homme qui a été invité à faire le zina avec une femme qui est belle et qui a du pouvoir ou de l'argent et qu'il a refusé par crainte d'Allah. Ça, c'est parmi les catégories qui ont été mentionnées dans le hadith de ceux qui vont être sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté son ombre. Aussi, celui qui était seul et qui a pensé à Allah et les larmes ont coulé de ses yeux par crainte d'Allah. Ça, c'est parmi les catégories mentionnées aussi dans le hadith. À la kulli hal, ceux-là, ils ne vont pas avoir cette chaleur-là. Et ils ne vont pas subir cette épreuve-là. Mais par contre, les autres, ils vont le subir. On demande à Allah de nous en préserver. Mais les gens vont être en train d'attendre tellement longtemps qu'ils ne vont plus être capables. À un certain moment donné, ça devient trop. Imagine ici sur Terre, si tu es dans la chaleur, en dessous du soleil, et que tu n'as pas de vêtements, et il fait chaud, et que tu es debout en ligne, en train d'attendre quelque chose. Tu ne peux même pas imaginer ça. Même des fois, 10-15 minutes, tu dois attendre, tu es déjà fatigué. Imagine 50 000 ans. Avec tous les êtres humains qui sont autour de toi comme ça. Les gens sont fatigués. Les gens ont soif. Les gens ont faim. Les gens ont, ont chaud. Alors, ils n'en peuvent plus. Ils commencent à aller les uns après les autres voir les prophètes et les messagers pour leur dire, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour que Allah Azza wa Jal, il nous allège la situation. Et il y en a qui disent, tant pis, même si c'est même pour aller en enfer, on préfère ça mieux que de rester longtemps comme ça, hein, debout. Alors ils vont intercéder auprès des prophètes et des messagers pour savoir s'il y en a un qui peut parler, demander à Allah pour faire commencer le jugement. Et ils refusent tous jusqu'à ce que finalement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se mette en avant pour aller demander l'intercession, pour que le jugement commence. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera l'explication, la suite, au prochain coup, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته